Chapitre 8. Détails historiques et pittoresques sur Astrakhan. Fête indienne. Bal chez le gouverneur. Portrait, etc. De retour à Astrakhan, Madame Zakharevitch exigea absolument notre installation chez elle. Les réclamations de sa compatriote, qui nous avait d'abord donné l'hospitalité, ne purent tenir contre ses vives instances. Nous eûmes un véritable plaisir à revoir Madame Fadiou et à faire connaissance avec son mari, qui est un des hommes les plus distingués que nous ayons connus en Russie. Le gouverneur, le général Timirassif et sa femme, ainsi que beaucoup d'autres familles, s'empressèrent de rendre notre séjour parmi eux aussi agréable que possible. L'histoire d'Astrakhan est tellement connue que l'on nous saura sans doute gré de ne pas insister sur les diverses révolutions politiques qui se sont opérées dans les contrées dont cette ville a été pendant tant de siècles la brillante métropole. Après avoir fait partie de l'empire du Kaptchak, fondé par les Batoukans, Astrakhan, à la suite de longs déchirements intérieurs, finit au commencement du XVe siècle par se constituer en état indépendant. 150 ans plus tard, éclata entre les Russes et les Tatars la lutte acharnée qui devait délivrer le pays des Tsars du joug de ses oppresseurs. En 1554, Ivan IV le Terrible s'empara du khanat de la mer Caspienne, autant par trahison que par la force des armes, et prit le premier le titre du roi de Kazan et d'Astrakhan. Cette conquête si précieuse pour l'Empire, incorporée aux possessions russes, entraîna la soumission ou l'émigration de tous les peuples du voisinage. Depuis cette époque, Astrakhan a toujours appartenu à la Russie. Mais elle ne tarda pas à perdre l'ancienne prospérité qui l'avait rendue si célèbre sous les Tatars de la Horde d'Or. 15 ans après la conquête moscovite, les Turcs, de concert avec les Tatars de la Crimée, dirigèrent une expédition contre Astrakhan. Leurs efforts toutefois avortèrent et l'armée ottomane périt en grande partie dans les déserts du Manych. Vers la fin du XVIIe siècle, Astrakhan subit encore une courte mais sanglante révolution. Le rebelle Okhorazin se rendit maître de la ville, la livra à d'horribles massacres et donna un moment des craintes sérieuses à la Russie. Aujourd'hui, l'ancienne capitale du royaume tatar est simplement le chef-lieu d'un gouvernement qui, tout en possédant une surface de plus de 4000 mètres carrés géométriques, ne compte néanmoins que 285 000 habitants, parmi lesquels 200 000 nomades. Elle renferme un grand nombre de places, d'églises et de mosquées. Ses vieilles tours crénelées et ses pans de murailles, qui embrassent encore un espace considérable de terrain, rappellent aux voyageurs ses anciens souvenirs guerriers. La population, mélange de toutes les races de l'Asie, s'élève au chiffre de 45 703 âmes. Le fond en est russe, kalmouk et tatar. Les Arméniens y sont, bien entendu, à la tête du commerce. Malgré leur religion, qui devrait les rapprocher des peuples occidentaux, ils ont conservé dans leurs mœurs toutes les traditions orientales. L'Arménien porte partout avec lui cet esprit de négoce qui lui est commun avec le juif. Toujours à l'affût d'une affaire, toujours prêt à saisir l'occasion au vol, supputant, chiffrant, avec une infatigable patience. Qu'on le rencontre dans les fertiles vallées de l'Arménie, dans les pays du Nord ou sous un ciel méridional, on le retrouve partout avec ce profond égoïsme qui a remplacé chez lui le sentiment de patriotisme si puissant chez la plupart des branches de l'espèce humaine. Disséminé dans le monde entier, comme les Juifs, il offre un de ces types de races pures qu'on ne voit bien conservées que chez les peuples orientaux. Le manteau brun des femmes arméniennes de Constantinople est remplacé ici par de longs voiles blancs qui les recouvrent entièrement. Ce vêtement dessinant très bien les formes du corps et retombant en draperie gracieuse sur le bout des pieds rappelle, lorsqu'il est bien porté, les lignes élégantes de certaines statues grecques, analogie d'autant plus frappante que les dames arméniennes se distinguent surtout par la noblesse du port et la beauté sévère des traits. Les Tatars, au nombre de plus de 5000, s'occupent également de commerce et principalement de l'élève du bétail. Leurs nombreuses mosquées et les coupoles de leurs maisons de bain contribuent à donner à Astrakhan un aspect complètement oriental. Quant aux Indiens, autrefois en assez grande quantité dans cette ville, ils ont depuis longtemps renoncé au commerce qui les y amenait et n'y sont plus représentés que par quelques prêtres retenus encore par d'interminables procès. Mais de leurs anciennes relations avec les femmes kalmouks sont sortis des métis, actuellement au nombre de plusieurs centaines d'individus improprement désignés sous le nom de Tatars. Le mélange de ces deux sangs essentiellement asiatiques a produit un type qui se rapproche beaucoup de celui des nations européennes. Il n'offre ni les yeux obliques des kalmouks, ni la peau bronzée des Indiens. Et rien dans le caractère, ni dans les habitudes des descendants de ces deux peuples ne rappelle leur double origine. Au milieu des populations apathiques et nonchalantes avec lesquelles ils vivent, ces métis apportent dans tout ce qu'ils font l'activité et la résolution des hommes du Nord. À la fois portefaix, charretiers et matelots, ils ne reculent devant aucun travail, quelque pénible qu'il puisse être. Un chapeau de feutre blanc à large bord et à cône pointu, une taille élancée et une physionomie hardie et enjouée leur donnent beaucoup de ressemblances avec les muletiers espagnols. Les Persans, de même que les Indiens, désertent peu à peu Astrakhan. Le système prohibitif de la Russie a détruit toutes leurs ressources commerciales et aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques centaines qui ne demeurent guère que par misère dans leur patrie adoptive où ils se livrent à un petit trafic de détail. Nous avons parcouru les divers khans persans de cette ville, y cherchant vainement les riches et brillantes étoffes qui les rendaient autrefois si célèbres. Les magasins sont vides et ce n'est qu'à grand-peine que le voyageur peut encore trouver des cachemires, d'hermalamas soyeux et quelques-uns des produits de l'Asie qui autrefois étaient pour la ville une source de prospérité. Astrakhan possède depuis quelques années un lazaret aux embouchures du Volga, à 75 verstes de ses murs. L'histoire de cet établissement est assez curieuse. Avant de le construire sur l'emplacement qu'il occupe actuellement, on s'était vu forcé d'abandonner deux fois d'importantes bâtisses en raison du mauvais choix des lieux. Ce ne fut qu'après une grande perte de temps et d'argent qu'un ingénieur avisa une petite île placée dans les conditions les plus favorables où le lazaret fut définitivement érigé. Quelques années plus tard, on trouva dans les archives de la ville une note manuscrite que Pierre le Grand avait laissée à son départ d'Astrakhan et dans laquelle il désignait précisément cette île pour l'établissement d'un lazaret. Un seul coup d'œil avait suffi à ce prince pour apprécier l'importance d'une localité que plusieurs commissions d'ingénieurs ne trouvèrent qu'après 1000 recherches. Le pavage est un luxe entièrement inconnu à Astrakhan. Ses rues sont sablonneuses comme le sol des environs, presque désertes dans la journée par suite de l'ardeur du soleil qui s'y concentre, il est rare de voir un spectacle plus animé et plus pittoresque que celui qu'elle présente le soir lorsque la ville entière se réveille et secoue la somnolence où l'avait plongé 30 degrés de chaleur. Alors, chacun s'empresse de jouir de la fraîcheur qu'apporte le crépuscule. Les portes se garnissent de curieux, les affaires reprennent leur cours, les magasins s'animent. Une nombreuse population, représentant toutes les races, parlant tous les idiomes, se répand rapidement sur les ponts et les quais bordés d'arbres. Le canal se couvre de caïques chargés de fruits et d'arbouses. Les drojkis, les calèches, les cavaliers luttent d'élégance et de vitesse. La ville entière prend enfin un air de fête qui étonne et séduit le voyageur. Tout ce qu'il a vu de pittoresque dans ses voyages, toutes les impressions qu'il n'a ressenties que séparément ailleurs, tout ce qui fait enfin le charme des courses lointaines se retrouve, comme par magie, sous ses avides regards. À côté d'une demeure tatare, s'étend un grand bâtiment noirci par le temps, dont les ogives et les sculptures, à demi effacées, font songer au Moyen-Âge. Un magasin européen étale ses modes en face d'un caravansérail. La magnifique église métropolitaine abrite sous son ombre une gracieuse mosquée avec sa fontaine. Un balcon mauresque présente quelques groupes de jeunes européennes, tandis qu'une ombre blanche aux formes sveltes et sévères glisse mystérieusement sous la galerie d'un vieux palais. Tous les contrastes sont réunis. Et c'est ainsi que, passant d'un quartier à l'autre, l'on croit n'avoir fait qu'une promenade et l'on a glané une provision d'observations et de souvenirs de tous les temps et de tous les lieux. Les Russes devraient s'enorgueillir d'une ville qui n'est pas née d'hier, comme la plupart des autres cités de leur pays, et où l'on n'est plus poursuivi par la froide monotonie et la régularité systématique que l'on rencontre partout ailleurs. Les églises n'y offrent plus l'invariable style grec sur lequel sont modelées toutes les constructions religieuses de l'Empire russe. On trouve ici des sculptures, des flèches, des balustrades, quelque chose pour attirer le regard, des détails pour le fixer. La cathédrale, construite vers la fin du XVIIe siècle, est un vaste édifice carré, surmonté de 5 coupoles dorées et étoilées d'azur, qui rappellent à la fois l'Europe et l'Asie. L'intérieur est tapissé de tableaux, sans valeur sous le rapport de l'art, mais qui flattent l'œil par la richesse de leurs cadres, la plupart d'argent massif et ciselé d'une manière bizarre. Le monument le plus intéressant d'Astrakhan est une petite église cachée dans le fort de Pierre le Grand, attribué à Ivan IV. Son architecture toute mauresque est brodée de détails infiniment curieux pour l'artiste. Malheureusement, abandonnée depuis longtemps, elle sert aujourd'hui de lieu de dépôt pour les marchandises. Le climat d'Astrakhan est sec et fort chaud. Pendant plus de 3 mois, le thermomètre descend rarement dans la journée au-dessous de 28 degrés Réaumur. Cette chaleur, que rend encore plus intense un sol sablonneux, énerve le corps et l'esprit et explique suffisamment la profonde apathie qui domine tous les habitants. Mais par suite de la sécheresse de l'air, l'atmosphère atteint ici une pureté qui ferait l'admiration du peintre. Tous les objets lui empruntent la couleur chaude qui donne tant de charme aux contrées méridionales de l'Asie. Un fléau commun à beaucoup de pays, du reste, mais qui devient ici pire que partout ailleurs, provient de la multitude de cousins et autres insectes qui envahissent l'air à certaines époques de l'année. Toutes les précautions sont infructueuses devant leur acharnement. En vain s'entoure-t-on de gaz pendant la nuit. En vain se condamne-t-on à une profonde obscurité pendant le jour. Leurs atteintes ne s'en font pas moins sentir cruellement, sans laisser d'autres ressources que celle de se débattre inutilement contre un invisible ennemi. Dès le lendemain de notre arrivée à Astrakhan, on nous conduisit dans une maison de brahmines indiens où nous devions assister à une prière du soir. Nous fûmes introduits par le chef, de la manière la plus polie, dans une pièce située au couchant, qui n'avait pour tout meuble que de larges divans à la turque. La seule chose digne d'attirer nos regards était une petite chapelle scellée dans le mur que 2 prêtres ornaient déjà pour la cérémonie. L'un d'eux tenait ses yeux constamment tournés vers l'occident, suivant, avec une religieuse attention, le disque du soleil qui descendait à l'horizon. Ces brahmines étaient vêtus de longues robes brunes, croisées sur le devant par une écharpe blanche dont les 2 bouts flottaient jusqu'à terre. Un turban de mousseline blanche à larges plis encadrait leurs figures bronzées au profil antique. Le chef, bien moins recueilli que les autres, nous souriait constamment en agitant devant nous un gigantesque éventail persan qui, par son mouvement continuel, nous enveloppait d'un véritable courant d'air. Cependant, le soleil baissait rapidement. Sa disparition totale fut annoncée par le son aigu d'une conque marine. Aussitôt, un des prêtres alluma plusieurs bougies qu'il plaça devant une image de la chapelle. Un autre s'occupa à laver des vases d'une forme étrangère, les remplit d'eau lustrale et se prosterna devant eux avec beaucoup de recueillement. Une large pierre grise enchâssée dans le mur paraissait être le principal but de leurs adorations. D'après ce que nous expliqua le grand prêtre, l'âme d'un saint célèbre, fatigué du monde et des hommes, s'était réfugiée sous cette enveloppe mystique. Aussi, cette pierre est-elle, aux yeux des Indiens, un objet sacré dont la vue seule, à les entendre, peut opérer des miracles. Après l'avoir adoré en silence quelques instants, le chef se mit à brûler des parfums qui remplirent bientôt la chambre d'un nuage odorant à travers lequel tous les objets prirent une forme plus vague et plus mystérieuse. L'odeur pénétrante de ces aromates, jointe à la chaleur et à l'étrangeté de la scène que nous avions sous les yeux, agit sur nous avec tant de vivacité que bientôt nous ne sûmes plus distinguer le réel du fantastique. Cet état à demi extatique s'accordait merveilleusement avec la disposition morale de nos brahmines dont l'enthousiasme religieux ne se contenta bientôt plus de vaines prosternations. Tout s'était fait jusqu'alors dans un profond silence, mais à un signal donné, deux prêtres s'agenouillèrent devant la pierre sainte tout en récitant une prière sur un mode lent et guttural. Un autre, les bras croisés sur sa poitrine, debout à quelques pas de la chapelle, portait de temps à autre sa bouche à un sifflet dont il tirait des sons perçants. Le dernier, armé d'une conque marine, monta sur l'un des divans et joignit sa voix à celle de ses compagnons. Animés par ce tapage, les yeux des prêtres s'allument, les membres se roidissent, la conque vibre avec plus de force. Une sonnette est rapidement agitée par le chef et alors commence un charivari si étrange, une scène si burlesque et si sauvage qu'on aurait réellement cru tous ces brahmines possédés du démon. Leurs poses et leurs gestes frénétiques donnaient plutôt l'idée d'un exorcisme que celle d'une prière. Ce que nous éprouvions ne saurait trop se décrire. C'était à la fois un mélange de surprise, de curiosité, de dégoût et de frayeur. Si la fatigue n'eût forcé les acteurs de ce sabbat à s'arrêter au bout de 10 minutes, je doute que nous eussions pu supporter plus longtemps un pareil spectacle. Ne dirait-on pas que les hommes prennent à tâche d'adorer Dieu le moins religieusement possible? J'ai vu à Constantinople les derviches tourneurs et hurleurs. C'est quelque chose de bizarre et d'épouvantable qui ne peut se comparer qu'aux convulsionnaires du Moyen-Âge. La musique religieuse des Kalmouks ne le cède en rien à ces aberrations de l'esprit humain. Et voici le culte indien qui semble vouloir rivaliser de démence avec tout ce que les autres religions ont de plus extravagant. Quand cet abominable concert fut achevé, le chef prit une poignée de fleurs jaunes, semblables à des soucis, les trempa dans l'eau du Gange et vint en offrir une à chacun de nous. Puis il pétrit dans ses doigts un morceau de pâte auquel il donna une forme symbolique. Il y planta 7 petites bougies allumées, l'agita en tous sens devant la chapelle et fit la même cérémonie en se tournant de notre côté. Enfin, pour clore la cérémonie, il prit une petite coquille blanche déposée jusqu'alors sur la pierre sacrée et la remplissant de la sainte eau du Gange, il nous en aspergea fort dévotement. Pendant ce temps, ses compagnons préparaient sur une table une collation de beaux fruits et de pâtisseries à notre intention, lesquelles nous furent servies par le chef avec beaucoup de politesse. Ainsi se termina une scène aussi difficile à bien décrire qu'à oublier. Maintenant, laissons les Indiens et leurs étranges cérémonies pour revenir aux usages européens, qu'à notre grande surprise, nous retrouvâmes dans beaucoup de salons d'Astrakhan. Une chose qui doit singulièrement flatter l'amour-propre des Français en général et des voyageurs en particulier est l'influence morale qu'exerce la France dans tous les pays du monde. Partout où l'on rencontre quelques traces de civilisation, l'on est sûr de la voir reparaître, soit dans les mœurs, soit dans les habillements, soit dans les opinions publiques, et cela même chez les peuples qui en sont le plus éloignés. La plupart de nos romanciers ne se doutent probablement pas que leurs ouvrages sont lus avec avidité jusque sur les bords de la mer Caspienne, et qu'on les y critique avec autant de verve et d'esprit que dans les grandes capitales de l'Europe. Tout ce qui représente la Russie à Astrakhan parle français et reçoit mensuellement de Bruxelles nos publications les plus nouvelles. Dans beaucoup de bibliothèques, j'ai retrouvé Lamartine, Balzac, Alexandre Dumas, Eugène Sue, Georges Sand, de Musset, etc. Et bien d'autres noms, moins connus peut-être à Paris qu'à Astrakhan. Les dames russes lisent beaucoup, ont en général de l'esprit naturel et soutiennent la conversation d'une manière réellement brillante. Le seul tort qu'on ait à leur reprocher est celui de borner leur lecture à des romans qui faussent presque toujours leur jugement et qui naturellement leur donnent une opinion tout à fait erronée de nos habitudes et de notre littérature. Paul de Kock et Pigault Lebrun sont surtout en grande vogue dans l'Empire. Le tableau qu'ils tracent des mœurs de bas étage est lu avec bien plus d'empressement que les pages élégantes et sévères de nos bons écrivains. Je dois reconnaître pourtant que beaucoup de dames russes sont en état d'apprécier des ouvrages sérieux. J'ai vu à Astrakhan, sur plus d'une table, Les Ducs de Bourgogne, l'histoire du Bas-Empire, la conquête des Normands et jusqu'à des traités de géologie. Inutile d'ajouter que nos modes et les prodiges de notre civilisation sont adoptés avec la même avidité que notre littérature. J'avais de la peine à me croire à deux pas de la mer Caspienne en entendant causer beaux-arts et modes, tout comme à Vienne ou à Paris. La musique également a droit de citer à Astrakhan. Et force partitions de Donizetti y sont chantées par des voix remarquables. Nos quadrilles y font fureur, aussi bien que les charmantes mélodies de Loïsa Puget. Sur la foi de quelques voyageurs qui ont été ou qui sont censés avoir été à Astrakhan, nous nous attendions à y trouver bon nombre d'anglais, d'italiens et même de français. Mais de fait, la ville ne possède aucun représentant de ces nations, sa société se composant uniquement de Russes et d'Allemands qui y sont envoyés comme employés. On n'a pu me citer qu'un seul Belge, ancien prisonnier de guerre, qui s'est fait tailleur et qui jouit maintenant d'une très belle fortune. Astrakhan prétend avoir un théâtre, mais j'ai peu de choses à en dire. Qu'on se figure une salle fort laide, fort noire, percée d'une trentaine de niches à double rang. Un parterre orné de quelques sales cafetans, un orchestre composé d'un méchant violon et d'une demi-douzaine de trompettes. Pour éclairer tout cela, un rang de chandelles sur l'avant-scène et l'on aura idée de ce qu'on ose appeler théâtre au bord de la mer Caspienne. Quant aux pièces et aux auteurs, ils sont en vérité trop au-dessous de la critique pour qu'on s'en occupe. Le gouverneur donna un grand bal et quelques soirées pendant notre séjour à Astrakhan. Quoique la chaleur fût accablante, ces salons se remplirent chaque fois d'une foule élégante, toujours avide de plaisir. Les gouverneurs de province en Russie jouent un rôle de petit souverain, exerçant sur toutes les classes de la société une influence qui puise sa source dans la constitution même du pays. Chez un peuple soumis à un régime absolu, tout employé supérieur exerce dans sa sphère une autorité sans borne. Il a ses courtisans, ses favoris, sa nombreuse chancellerie, ses officiers d'ordonnance, son étiquette calquée sur celle de Saint-Pétersbourg, tout ce qui constitue le pouvoir. Mais ces apparences de puissance et de grandeur ne sont que relatives, car au-dessus de ces petits rois plane une volonté souveraine qui peut, d'un mot, leur enlever leurs privilèges et les envoyer au fond de la Sibérie. Il ne faut pas croire que la servitude en Russie n'existe que chez le peuple. Qu'on aille à l'Orient ou à l'Occident, dans les brillants salons de Saint-Pétersbourg ou dans l'isba du paysan moscovite, on la retrouve partout, déguisée plus ou moins sous des formes qui trompent beaucoup de voyageurs, séduits par le vernis brillant dont sait se revêtir le haut employé par son nombreux état-major, sa demeure princière et la pompe de sa vie administrative. Et pourtant, qu'est-ce que tout cela? Quelque chose d'analogue à ces bulles de savon qui reflètent les couleurs de l'arc-en-ciel, mais que le moindre souffle fait évanouir. Le palais du gouverneur, le général Timirassif, nous surprit par sa magnificence et son étendue. À notre arrivée pour le bal, après nous avoir fait traverser plusieurs pièces somptueusement meublées, on nous introduisit dans un boudoir où nous trouvâmes Madame Timirassif entourée de toute l'élite de la société. Elle me présenta plusieurs dames élégantes qui parlaient très bien le français et avec lesquelles j'eus bientôt engagé une conversation aussi frivole et aussi variée que les causeries du monde parisien. Mais bientôt, la musique se faisant entendre, nous nous rendîmes dans un salon très vaste, éclairé de la manière la plus splendide et rempli déjà d'une foule d'officiers. L'orchestre, placé dans une tribune élevée, jouait nos quadrilles avec un ensemble parfait. Je profitai d'une interminable mazurka pour me faire nommer différents personnages. Le général Brigon, Livonien, Hetman de tous les Cosaques, le comte Pouchkine, curateur de l'université de Kazan, l'amiral Lazarev, le prince Kalmouk Tondoutov, la princesse Dolgorouki, et de plus un jeune persan qui occupa toutes les dames par sa belle figure orientale, son riche costume et la grâce avec laquelle il dansait, les quadrilles français et les mazurkas polonaises. Un succès si flatteur n'eut pas l'air de l'étonner le moins du monde. J'omai avec attention la collection de colonels et d'aides de camp, élément inévitable et toujours fort prodigué dans les sociétés russes, ainsi que le bataillon d'excellence chargé de plus de crachats et de décorations qu'on envoie communément dans les bals les plus brillants des cours d'Europe. La femme du gouverneur offre le type parfait des dames russes. Élégante, coquette, pleine de distinction, elle possède toutes les qualités nécessaires pour être la reine d'un salon. Ce fut avec une grâce charmante qu'elle fit les honneurs de cette soirée vraiment remarquable. Le bal se termina par un grand souper qui se prolongea jusqu'au matin. Nous passâmes à Astrakhan une quinzaine de jours, on ne peut mieux employer. Malgré la chaleur, nous courions du matin au soir, escortés d'un aide de camp que son Excellence nous avait donné pour cicérone. Plein de bonne volonté et parfaitement au fait du pays, cet officier était sans cesse à la recherche de ce qui pouvait nous intéresser. Et grâce à son obligeance, nous connaissions bien mieux la ville au bout de 8 jours que ne la connaissait le gouverneur lui-même. Une seule chose échappa à nos perquisitions, quelques familles de Parsis qui habitaient encore Astrakhan, mais que notre guide ne parvint pas à déterrer. Il eut beau se mettre en campagne et questionner tout le monde, personne ne put lui donner aucune indication précise à ce sujet. Des soirées, des cavalcades, de nombreux dîners et surtout une douce intimité complétèrent de la manière la plus charmante notre vie de touriste et nous firent reculer le plus longtemps possible un départ qui devait briser de si douces relations. Je doute qu'aucun accueil puisse être plus rempli de prévenance et de véritable intérêt que celui dont nous fûmes l'objet de la part du gouverneur et de toute la société d'Astrakhan. J'ai déjà parlé de l'hospitalité gracieuse des deux dames polonaises. Les familles Timirassif et Fadiou rivalisèrent à leur tour d'empressement pour nous prodiguer tous les agréments que leur position élevée leur permettait d'offrir à des étrangers. Le gouverneur, pendant tout le temps de notre séjour, mit sa calèche à nos ordres et fut imité en cela par beaucoup d'autres personnes. Mais malgré tant de séductions, nous dûmes enfin songer sérieusement à quitter ce paradis terrestre pour accomplir notre excursion à travers les steppes kalmouks. Notre premier soin fut de nous munir de tout ce qui nous était indispensable pour ne pas mourir de faim en route. Une expédition de ce genre est semblable à une longue traversée en mer. Les préoccupations, les préparatifs en sont les mêmes. Il faut entrer dans tous les détails de la vie matérielle, comme le marin qui quitte le port pour un voyage d'un long cours. Nous fîmes une grande provision de galettes, de riz, d'huile, de bougies, de fruits secs, de thé, de sucre et de café, toutes choses qui furent envoyées d'avance avec notre escorte à Widouk, station de poste située près de la mer Caspienne où mon mari devait commencer ses travaux de nivellement. Cette escorte composée de 10 chameaux, de leurs chameliers et de quelques cosaques parfaitement armés avait été choisie par le gouverneur et M. Fadiou avec un soin qui nous prouva combien ils tenaient tous deux à notre conservation. Je ne saurais exprimer assez de reconnaissance pour les preuves de bonté qu'ils nous donnèrent en cette occasion. Leur inquiétude sur le résultat d'un voyage si hasardé se trahissait par 1000 précautions, 1000 recommandations qui auraient pu avoir quelque influence sur nos projets s'ils n'eussent été irrévocablement arrêtés. Le gouverneur choisit parmi ses meilleurs officiers un prince tatar pour commander notre escorte. Ce jeune homme, excellent chasseur, possédait un faucon dont il ne se séparait jamais, et ce fut à cette circonstance qu'il eut la mission de nous accompagner. Toujours préoccupé des privations que nous avions en perspective, le général Timirassif ne croyait pouvoir mieux faire que de nous procurer un aussi habile pourvoyeur qui, soit dit en passant, nous devint d'un immense secours. Aussi, lorsqu'il nous présenta l'officier avec son faucon sur le poing, sa figure exprimait-elle la joie la plus vive. « Maintenant, ma conscience est en repos, nous dit-il en riant. Je vous donne un brave soldat pour vous défendre et un compagnon de route qui ne vous laissera pas mourir de faim dans le désert. » Des ordres furent envoyés d'avance sur toute la ligne que nous devions parcourir jusqu'à Widouk pour qu'on nous fournît sans délai des chevaux à chaque station. La veille du départ, nous passâmes la soirée chez Madame Fadiou, qui, par une aimable attention, avait réuni chez elle toutes les personnes de notre connaissance. J'ai rarement reçu autant de témoignages d'intérêt et même d'affection que dans cette soirée. Le voyage que j'allais entreprendre paraissait si extraordinaire à tout le monde que ma témérité formait le sujet de toutes les conversations et chacun se montrait aussi effrayé pour moi que s'il eût été question du départ d'une parente ou d'une amie de longue date. Fin du 8e chapitre.